Des têtes avec un beretta. La vie commence quand y'a un cœur qui bat, s'arrête quand y'a plus de bif. C'est quoi le prix si ce n'est le choix d'avoir encore plus de choix. Les ombres et les clashés en stage, les vois plus je regarde devant moi. Les blabla sur ce que je ne suis pas. Je n'écoute pas, j'ai plus de 500k. Tu m'aimes pour ce que je suis devenu, donc tu m'aimes pour ce que je ne suis pas. T'es parti puis t'es revenu. Les amis comme toi je n'en veux pas. J'ai personne à qui dire je t'aime. Tout le monde à qui dire nique ta mère. Sois ronde et bleue n'est pas la terre. Soit les problèmes viennent de moi. En vrai ne signe pas en maison, sauf si t'es seul et à la rue. Parce que quand tu comptes sur les gens, ils finissent par te décevoir. Je m'apprécie, mais se voir aller, je suis indécis, apprécie. On le fait vite fait sans être précis sur nos sentiments, ce qu'on ressent tout en laissant notre histoire être rétrécir. Mais tu réfléchis trop, mais tu réfléchis qu'au problème que ça engendrera. Ton cœur est une gendarmerie, cherchant l'ex qu'il condamnera. Comprenez-moi, lieu, je fais tout ce que je peux. Je fais comme tes faux, je peux. Je t'aide à te sentir mieux à travers d'autres yeux. Mon salaire à d'autres vœux que de finir à deux vieux dames. Viens dans mon secteur, tu comprendras peut-être mes peurs, mes peines de cœur, mes traînées de sueur, de séducteur, un bouquet de fleurs. Le temps d'attendre du prince charmant que j'étais censé être au lieu de ça. J'suis que le garçon bête de l'être censé l'être avec toi. Ton amour je l'envie, mon amour je t'en prie. J'veux que tu m'haïsses autant que tu m'aimes. C'est quoi le problème, c'est trop personnel. Oh là là. Je vais voir la fin de ma vie à l'avance pour savoir si mes efforts ont toujours un sens.